Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Veux-tu bien m'accompagner? Je ne suis pas comme ces trous ducs. Je ne suis pas un enculé. Si tu m'en laisses le temps, je pourrais bien te montrer l'étendue de mon talent dont tu ne vois que l'extrémité. Si ma vie est un tourment, elle est pleine de félicité. Veux-tu connaître des sentiments que tu avais ignorés? Il y a sous le ciment une plage insoupçonnée, et sous la plage il y a sûrement des centaines de grottes oubliées, sur les murs desquelles nous attendons les mammouths qu'on a chassés. Il y a des milliers d'années, pour que je puisse te les montrer. Veux-tu bien m'accompagner? Dis-moi oui, s'il te plaît. Sinon je m'y rendrai seul, pour de rage les effacer.